sais pas quand, je sais pas où, de qui, je n'en sais rien du tout. Mais je suis de Paname. Sans connaître un seul bon moment, j'ai grandi n'importe comment. Sur ma cadavre, je n'ai jamais porté des dentelles. Ça ne se trouve pas dans les poubelles. Je n'ai jamais connu les joujoux, les petits mots doux. N'avoir quelle malchance, comme souvenir d'enfance, des jours de souffrance, c'est le coup dur. N'est qu'une gosseline, que personne ne câline, pas même une frangine. C'est le coup dur, quand y a beau d'aventure, des bacs, des fourrures, n'avoir des enjures. C'est le coup dur, pour taper la cloche, au lieu d'une brioche, recevoir une taloche. C'est le coup dur. Comme bien des femmes ici-bas, j'ai connu des hauts et des bas, suivant les jours. Probable que c'était mon destin de finir chez les puretins. Et sans amour, j'étais pas plus moche que les copines. J'ai passé par les mêmes combines. Mais j'ai jamais vu comme Chopin que des lapins. Avoir dans la tête le plaisir, la fête, mais jamais de galette. C'est le coup du vouloir une famille, un môme qui gambigue, rester toujours figue. C'est le coup du à la grande trive, n'avoir toute sa vie, jamais que des envies. C'est le coup dur, mais y'a rien à faire. Moi, je n'ai qu'à me taire, mon gros lot sur terre. C'est le coup dur.